Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska, du hardcore et même du oi, tout en français. Ça sera une excellente émission cette semaine. La semaine passée, on a fait notre top 5 de 2011. Ça s'est très bien passé. Et on va continuer l'année 2012 avec cette bonne atmosphère de positivité. Je sais pas ce que je dis là. En tout cas, c'était du Red Ryler qu'on a commencé l'émission avec, la chanson Sans Position de l'album Bordeaux 5, sorti fait pas trop longtemps, ça fait quelques années. Un bon album par le groupe, j'imagine, de Bordeaux. Mais on va continuer en musique maintenant avec Faute de frappe de leur album Sex, Drugs, Punk and Oi. C'est la chanson Rock and Oi ici à Sous Pression. Don't stop. your community radio, CHRY 105.5. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife dans le Grand Nord canadien. L'émission s'appelle Sous Pression pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. Moi, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Alors, faire un petit retour sur le dernier bloc. On a commencé avec Faute de Frappe, la chanson Rock'n'Oi. Faute de Frappe, je crois qu'ils sont suisses, si je me trompe pas. Impact, après ça, un groupe qui n'existe plus, c'est un groupe montréalais, avec Asocial de leur album Légende Urbaine. Bolshoï, après ça, avec Violence Rouge. De leur album éponyme. En fait, c'est leur seul album studio, je crois. Si leur site web existe toujours, parce que le groupe, ça fait depuis plusieurs années qu'il n'existe plus, mais si leur site web existe toujours, faites une petite recherche sur l'Internet pour le groupe Bolshoï. Vous pouvez télécharger leur album gratuitement. C'est un excellent album. Et on vient de terminer avec Les Esclaves Salariés, un autre groupe qui n'existe malheureusement plus. La chanson Ils ne passeront pas de leur album Dur à battre, sorti il y a longtemps là. Alors on va continuer en musique. Je vais faire jouer je pense un petit bloc un peu plus pop punk. Commencer avec Bonne Journée, un groupe qui a fait officiellement son dernier concert c'est peut-être un mois et demi. Mais il y a des membres de Bonne Journée qui font maintenant partie du groupe L'Équipe, avec des membres de d'autres groupes comme Les Prostituées et Les Sprats. Mais je vais faire jouer la chanson plus sage qu'avant par Bonne Journée, leur album Vous souhaite une, et après ça, je vais faire jouer un autre groupe classique de punk québécois, Les Marmottes Aplaties. Mais en attendant, on écoute du Bonne Journée ici à Sous Pression. À chaque fois, on est à terre, on sait qu'il faut pas trop boire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Yeah. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter Les Prostituées avec New Wave Kids de leur album Sexe en Stéréo. Les Prostituées, un groupe qui est en pause en ce moment. Avant ça, on a écouté Les Pariotes, Toi mon pote, de leur album La Nuit des Lombières. Brigitte Pop avant ça avec La Jeunesse de leur album C'est pas gagné. Lumière Motte Platy avant ça avec Télé. Et on a commencé le bloc avec Bonne journée, plus sage qu'avant de leur album Vous souhaite une. Alors bonne journée, vous souhaite une bonne journée. C'est ça la joke. Alors on est rendu à mi-chemin de l'émission. Comme d'habitude, comme à chaque semaine, c'est la tradition, je vous rappelle, vers ce temps-ci de l'émission, que l'émission Sous Pression a un site web, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, pas en direct, mais vous pouvez l'écouter en format podcast, vous pouvez l'écouter après. Chaque semaine, on met les émissions en ligne, ainsi que la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Vous pouvez aussi nous contacter l'émission à travers de Facebook. J'ai la misère aujourd'hui. Il y a le facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, allez visiter le site de Sous Pression et aimer la page. Alors, comme ça, vous pouvez suivre l'émission. Vous pouvez suivre aussi quelques nouvelles et développements qui se passent dans le monde du punk, ska, hardcore francophone. On a aussi, si Facebook, c'est pas pour vous, vous pouvez nous contacter par courriel, c'est souspression@chry.fm, souspression@chry.fm. Vous pouvez nous envoyer des demandes spéciales, des commentaires, ou même des plaintes, si vous avez le goût de nous dire ce que vous pensez. Et si vous êtes à Toronto en ce moment, vous nous écoutez en direct, vous pouvez appeler le 416-736-5656, c'est 416-736-5656. Mais ça, c'est seulement si vous êtes à Toronto et vous nous écoutez en direct. Mais à part de ça, je vais continuer en musique parce que je suis pas ici pour jaser, je suis ici pour faire jouer de la musique. Je continue avec un vieux groupe français, Nuclear Device, de leur album Je suis un évadé, sorti il y a bien longtemps, je sais pas en quelle année, je me rappelle plus. Je l'ai pas décrit, j'ai trois autres albums ici, mais c'est le seul que j'ai pas la date de sortie décrite dessus. En tout cas, je vais arrêter de parler, je vais faire jouer la chanson UVA tirée de l'album Je suis un évadé ici à Sous Pression. Elle porte des traces de sang. Ouvrez un canapé.

les yeux. Salut, c'était Death or Glory avec Life Landed de leur démo sortie l'année passée. Et vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, mais l'émission tire malheureusement à sa fin. Il nous reste quelques minutes, mais avant de continuer avec la dernière chanson, faire un petit retour sur ce qu'on écoutait dans le dernier bloc. On a commencé avec du Nuclear VA. Après ça, c'était La Souris Déglinguée avec Jeune Voleur, Beru Renoir. Après ça, avec Mac Novchina de leur split avec Anne Brigade, Jeunesse Apatride avec Souvenir du Passé. Après ça, on a écouté du Akuma avec L'Alternative de leur album Descendre et du Désespoir. Les Vulgaires Machins avec Pigeon Free, Kill Tucky, Banlieue Rouge avec Olaf, et on vient d'écouter, comme j'ai dit, Dr. Glory avec Life Landed. Alors, je vous laisse avec une dernière chanson par le groupe Les Partisans. Et on se revoit, nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Mais en attendant, écoutez bien Les Partisans et visitez le www.souspression.wordpress.com pour plus d'informations sur l'émission. Passez une bonne semaine. Et pourtant tu n'y crois pas. Qu'est-ce qu'on peut faire à 20 ans sans idéal et sans argent? On peut sortir et...